Ce soir, nous parlons de l'intention vers la réalité. En d'autres termes, de l'intention à la réalité. Et vous savez qu'on a souvent des idées de faire des choses. Et puis, il s'agit d'une interférence. Et puis, on a un petit délai qui s'installe. Puis là, on tombe dans l'intention de faire quelque chose qu'on met sur une liste qu'on finit par pas faire avant quasiment 2-3 mois. Je pense que tout le monde a connu ça. S'il y a des gens qu'eux autres, dès que ça dit de faire quelque chose, qu'ils font tout de suite, bien écoutez, je vous félicite, parce que moi, ça m'arrive pas si facilement que ça. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que beaucoup de gens ont l'intention de vivre quelque chose, ont l'intention de faire quelque chose, et c'est très difficile de passer à la réalisation. Donc, c'est très difficile de goûter à la réalité de ce qu'on pense. Et c'est ce qui, ce soir, m'intéresse de parler, c'est justement de comment briser les interférences ou les mécanismes qui créent une espèce d'inertie ou de psychologie pâteuse là, qui empêche les choses de se faire. Tout le monde a un rêve dans la vie, tout le monde rêve de quoi que ce soit, même si ça peut être des banalités dans certains cas. Et puis, on se rend compte que c'est le rêve ou la présentation d'une image, d'une amélioration quelconque, d'un mode de vie ou d'une façon de faire, qui nous donne le goût de dire, bon, ben là, moi, je vais le faire. Et c'est ce qu'on, quand on dit « je vais le faire », c'est là qu'on dit qu'il y a une intention, il y a une présence. Il y a même un gars qui a écrit un livre, ça s'appelait « Le pouvoir de l'intention » en livre de poche. Il y a une de mes amies qui m'avait prêté ça, puis c'est ni plus ni moins que tous les mécanismes de projection, visualisation du mental pour obtenir quelque chose. C'est à peu près le même principe. Donc, le rêve qui précède l'intention, c'est que on a un flash d'une chose qui est un peu comme une structure très abstraite, très, on pourrait dire, fluide, parce qu'elle peut disparaître assez rapidement si on la retient pas. Donc, on a un rêve qui précède l'intention. Puis l'intention, c'est l'énergie qu'on met à formuler le rêve, à donner au rêve une structure de base. Tu sais, quand on dit ouais, j'ai vu cet auto-là, mais je me suis pas fait encore une idée. Là, tu as comme besoin de t'imbiber de fiches techniques, d'aller voir les vendeurs, d'aller voir plusieurs garages ou vendeurs d'automobiles, peu importe. Et puis là, le gars, il nous parle de la technique, puis ci, puis ça. Et là, il se formule une intention. Fait qu'on part du rêve qui est un regard d'un véhicule qu'on voit passer sur la route, on dit « Ah, ça, c'est donc bien beau, il me semble que je me verrais là-dedans. » Puis là, ça tombe dans le monde du rêve. Puis quand on arrive à l'intention, il y a déjà une structure. On a déjà organisé une lecture de qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le veut, puis on situe notre besoin là-dedans. Mais on n'est pas au stage d'avoir signé le contrat, qui est finalement la réalité ou la réalisation. Donc, c'est bien important de comprendre que la phase de rêve, c'est une phase très, très, très abstraite qui ne garantit rien. L'intention, c'est déjà une densification de l'abstraction. Ça vous garantit que vous allez peut-être le voir, y toucher, mais ça n'établit pas que vous allez le posséder. Donc, dans l'intention, il y a énormément de présence à l'étude. Donc, on peut, exemple, avoir l'intention de faire de la bourse, on peut avoir l'intention d'aller dans des études, on peut avoir l'intention de travailler dans un secteur donné. Il peut vous passer 2000 intentions, puis vous allez vivre 5 réalisations de 2000 intentions que vous avez vécues. Bon, je suis allé peut-être avec 2000 intentions, là, ça habite le coco pas mal, ça, là. Mais mettons une cinquantaine. Vous avez une cinquantaine d'intentions qui vous passent dans la tête, que vous prenez des notes, que vous mettez ça sur un agenda, et puis vous dites, bon, ben là, il faut que je fasse ça. Puis moi, des fois, je regarde mon « do list », ce qu'il appelle, là, les choses à faire. Il y a des affaires, des fois, ça fait 6 mois que c'est marqué, mais je ne l'ai pas fait. C'est pas réalisé. Et puis, là, tu finis par penser que tu es rêveur. C'est-à-dire que tout ce qui refoule dans l'intention qui ne va pas dans la réalisation, bien, ça refoule dans le rêve. Ça vient, tu dis, ouais, pour moi, là, je rêve plus ma vie que je la vis. T'sais? Et puis ça, c'est une situation qui se passe aussi fortement dans la vie que vous n'établissez pas vos priorités. Une personne qui n'établit pas ses priorités va rêver toute sa vie. Parce qu'elle va toujours être dans « Ah, moi, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. » Mais « je voudrais », là, c'est conditionnel, hein? C'est un verbe au conditionnel, donc il y a des conditions à remplir. La première condition du rêve pour se réaliser, c'est de passer au stage de l'intention. Puis de l'intention, c'est la capacité de formuler son besoin, de le définir, d'y donner une certaine réalité abstraite. Tu sais, on pourrait dire que quelqu'un qui parle bien du sujet est déjà dans l'intention, donc dans la possibilité éventuelle de le réaliser. Il y a des gens qui ont une capacité de vivre dans l'intention quasi à l'infini. Ils ont toujours eu le goût de faire quelque chose, ils se sont très informés sur la situation, mais ils n'ont pas donné plus de portée que l'étude. Ils restent dans un monde constant d'intention et donc d'abstraction. C'est la vibration qui rentre éventuellement dans la pensée qui vous amène à la réalité. La vibration à travers le rêve pour vous flasher un aspect de votre vie qui est souvent une vision. Quand vous êtes mis en vibration pour quelque chose, c'est généralement que ça colle à une dimension karmique de votre personne qui vous amène progressivement à comprendre un aspect de vous-même dans une prise de conscience, mais ça a besoin de passer par un événement ou ça a besoin de passer par une forme. Donc, l'ego, lui, il est pas tellement, on va dire, entre guillemets, préoccupé par la conscientisation de son être. Il est plutôt préoccupé par le qu'est-ce qu'il peut posséder ou qu'est-ce qu'il peut manipuler, qui a un certain contrôle, donc dans lequel il peut être propriétaire. Et généralement, il donne de l'importance à une pensée, ça lui donne un pouvoir quelconque ou un mieux-être ou une meilleure satisfaction de vivre, du goût de vivre, si vous aimez mieux. Et puis, il est sensible à la vibration souvent à travers son corps de désir, mais pas vraiment à une vibration, même s'il y a des efforts à faire pour accéder à la forme en question. Parce que vous pouvez être mis en vibration puis avoir à vivre un certain type d'initiation, un certain type de combat pour accéder à la réalité. Le corps de désir, lui, veut ça ultra facile. Tu sais, j'y pense, je le vibre. C'est-à-dire, je le vibre, je le pense, et puis j'y goûte. Tu sais, ça se limite à ça. Mais vous pouvez avoir à vibrer des choses dans la vie qui vous amènent à vous torturer le mental pour sa réalité, parce que c'est intellectuellement complexe à comprendre, à saisir, ou à tout simplement manifester avec d'autres, parce que les autres créent interférence par le biais du doute, par le biais d'un questionnement, ces choses-là. Mais ce que je veux mettre ça en relief surtout, c'est que si vous vibrez et vous savez, parce que vous avez l'expérience de vibrer, vous avez l'expérience de reconnaître une vibration, si vous vibrez et puis que vous êtes capable d'agir un petit peu dans l'action avec la vibration, c'est comme installer une corde à linge. Vous installez un poteau en quelque part. Il vous faut juste un petit fil qui va tenir le linge pendant des années. Mais la première chose, c'est que si vous le vibrez, il faut absolument poser un acte. À partir de l'acte, va se structurer une intention. Et éventuellement, vous allez voir apparaître des ondes de réalité. Pour que ça devienne une réalité, faut que tu poses au moins un geste concret. Même si c'est pas la totalité de la réalité, c'est un geste concret. Vous me suivez? Faut qu'il se formule une intention qui est formelle, forme-elle, OK? Si une personne fait juste rêver puis qu'elle veut toujours le gros morceau, ça peut devenir tellement décourageant pour l'ego qu'il va perdre intérêt à sa vision puis il va finir par rêver. Puis là, il va vraiment être un rêveur. Ça va être un être qui va être, moi j'appelle ça des gens hydroponiques, là, qui ont des racines qui tiennent pas sur la terre, c'est toujours dans l'eau tout le temps. Donc, le fait de vibrer, c'est déjà la marche pour se rendre à quelque chose. Mais, si vous vibrez pas une action, vous allez trouver ça très difficile de vivre dans le mental pendant le temps que ça prend pour la réalisation. C'est sûr que des choses sont faciles à réaliser. Tu vibres une tranche de beurre de peanut, une tranche de pain de beurre de peanut. Faire les détails. Puis, tu sais, c'est plus facile à réaliser. Mais, mettons que vous êtes étendu dans votre lit puis vous avez une projection d'une beurrée de beurre de peanut. Puis, tu sais, c'est tellement plus facile de dire, Chérie, tu m'amènerais-tu une tranche de beurre de pinot? Que de dire, je vais me lever, je vais aller me la faire. Tu sais, il y a comme, puis ça, je prends réellement des affaires faciles, il y a comme une sorte d'inertie dans le confort. Puis si vous avez beaucoup de confort, si vous êtes mis en vibration pour faire quelque chose, puis que ce confort-là, ou l'excessif inconfort, parce que ça joue dans les deux sens, va vous empêcher de penser le faire, de penser l'intention, de penser à passer à l'action. C'est comme si ça va vous scier les jambes. Puis c'est facile de se faire scier les jambes. On a juste à se donner beaucoup de priorités. On a juste à se donner des champs d'action extrêmement différents. Là, tu sais, style, tu as 25 patentes à faire dans la journée, mais c'est 25 affaires qui sont pas dans le même champ d'activité, tu sais. Tondre le gazon, puis faire un gâteau, on s'entend que hein, c'est pas la même prédisposition émotionnelle et mentale. Mais il s'agit que tu aies 5-6 bebelles à faire dans ta journée, que tu vibres, individuellement, tu le vibres. Mais tu dis par quel que je commence, puis quand c'est différent, quand c'est dans le même set, là, mettons que c'est en informatique, bon, t'as un logiciel installé, t'as des prints à aller sortir, t'as des emails à aller chercher, tant que ça reste autour du computer, c'est facile, tu vibres, t'en as 10-12 bebelles à faire, au bout de 3 heures, t'as fini. Mais, ton le garçon, vérifier les emails, checker la température, là, tu finis qu'à un moment donné, t'es dispersé. Puis la dispersion, c'est l'ennemi direct de la vibration. OK? Donc, intention, demande, focus. Parce que quand je dis intention, je parle d'une structure mentale. Donc, il faut que votre mental soit capable de se donner un focus. Ce que les gens comprennent le mieux, en général, pour le mot focus, c'est priorité. Fait que tu dis, j'établis mes priorités, quand je le vibre, ben là, à ce moment-là, je le fais. Pour vibrer et penser, penser étant la structure de la vibration, c'est très, très... ambiophonique, c'est une ambiance, tu sais, c'est perçu comme une ambiance. Mais la pensée, elle, c'est le détail qui vient se donner à ça, qui fait l'analyse et qui fait la synthèse de votre mouvement. OK? Donc, quand vous faites une analyse ou une synthèse, c'est que vous avez été mis en vibration. Si la vibration est pas forte, votre pensée va divaguer puis avoir encore là se disperser. Tout ce qui annonce une forme de dispersion, c'est que la vibration est pas assez collée dans votre mental. Puis vous n'êtes pas capable de dire « je vais le faire ». Qu'est-ce qui se passe quand vous avez de la difficulté, quand vous captez la vibration, à aller jusque dans la structure? Vous manquez de colère. Vous n'avez pas de colère. Vous n'êtes pas capable, là je peux pas le dire, parce que si je le dis, je vais être obligé de l'effacer, mais, OK, vous n'êtes pas capable de vous choquer. Puis ça là, c'est con, hein? Il y a des fois, je suis dans le lit, puis je dis, bon, mais là, il est 1h30, il faut que je me lève. Tu sais, là, c'est parce que les déjeuners finissent à 3h, fait que le temps de me faire manger, le temps de faire manger mes chats, vider la litière, parce que ça sent le calice, puis tu sais, m'habiller, laver la tête, hein, tu sais, là, je pars à 2h, puis j'arrive au restaurant à 2h15, puis là, il me reste 3/4 d'heure pour manger. Ben, il y a des journées, là, ça vibre pas assez fort, puis je dis, bah, fuck off, on mangera pas, on m'envoie les soupers. Ça vibre pas assez, c'est comme, je suis pas capable de me choquer, je suis trop bien. Puis là, quand je réussis à me taper une colère, là, c'est comme si j'arrachais le toit d'une maison, hostie. Là, je réussis à me mettre, 90 degrés. Aïe, puis là, t'as mal au dos, là, parce que tu dis, hey, c'est pas naturel, se lever de même. Mais, il y a une colère. Il y a des choses qu'il faut que vous ayez une colère. Pas de la rage, arracher les rideaux, déchirer les draps. Non, non, non, juste une colère. Mettre de l'électricité dans votre corps. Il faut que votre corps soit électrique. Et puis là, là, quand ça commence à vibrer électrique, vous êtes bien, bien, bien proche de faire quelque chose. Vous êtes proche dans le sens que l'action va se faire. Si l'action, elle se passe pas comme vous voulez, il faut encore vous choqué. T'sais, vous mettre dans un état de colère. Puis là, quand ça rentre, cette colère-là, puis vous, c'est pas une attitude là, qu'il faut que vous ayez, c'est vraiment une sensation de mettre de l'électricité dans votre corps. Là, à partir de là, il va se passer quelque chose. Puis plus vous allez vous habituer à vivre la vibration dans un jeu de cellulaire, de corps, de physicalité, moins vous allez avoir de limites à faire ce que vous avez à faire. Par contre, si vous dites, j'ai des problèmes, je sais pas pourquoi, la vie veut pas, t'es pas assez choqué encore. Là, tu dis, il m'a fait une crise cardiaque, je me choque plus que ça. OK, prends-les sur une période plus longue, mais là, au moins, tu vas savoir que c'est plus long parce que t'es pas capable de te choquer fort, tu sais. Puis là, la réflexion, faut pas qu'elle rentre. Parce que si tu rentres la réflexion en stretchant en mettant plus de temps, en allongeant ta période d'action, bien là, la réflexion risque de gruger l'intérêt que tu as de le faire. Il n'y a rien de pire que de justifier dans la vie. J'avais une discussion avec Lise. Puis la justification, c'est mortel. Il n'y a rien à faire avec la justification. Votre crise de sens moral, là, quand vous êtes en colère, vous devez être capable de penser, de tuer, s'il faut, pour pouvoir réussir à vous dégager du « je pense que je devrais pas faire ça ». Parce que je pense qu'il n'aimera pas ça, lui, ou ils n'aimeront pas ça, eux autres. T'sais. Tant que vous êtes pris dans ces jeux de réflexion-là, vous cassez la vibration, puis à un moment donné, il n'y a rien qui se passe. Faites donc confiance aux forces. Christ, ils vous ont mis au monde. Puis c'est eux autres qui vont vous tuer. Il n'y a personne qui va vous tuer, c'est les forces qui vont vous tuer. Ils vont se retirer, bang, fini, terminé. Il va avoir un prétexte pour les autres égaux, là, genre tu tombes dans le sixième étage. Mais ça, c'est le prétexte. Mais avant de tomber du sixième étage, ils vont être attirés. Tu vas simplement tomber, et tout. Puis tu vas crier, c'est sûr, ah! Parce que c'est comme ça que ça se passe dans les films, je pense. Mais c'est sûr que la réflexion, c'est dû au fait qu'il y a un manque d'électricité, il y a un manque de faisabilité dans l'individu. Et puis ça, c'est très important de la comprendre, la réflexion, comment elle vous mine. Quand vous rentrez dans des processus de réflexion, puis de la moralité, puis de l'émotivité, puis ça, regardez faire ça. Regardez comment vous finissez par être fatigué. Tu dis, ah, hey, ça n'a pas d'allure, j'ai une grosse journée. T'as pas une grosse journée, t'as rien fait, t'as pensé toute la journée. Puis encore, si t'arrêtes de dépenser, on pourrait dire que t'as été au centre d'achat, mais non, t'as pas dépensé, t'as pensé. Imagine, dépenser, au moins, il s'élimine quelque chose. Et penser, t'accumules quelque chose. T'accumules un obstacle, t'accumules une restriction, t'accumules une dynamique qui n'est pas toujours fluide, lucide non plus. Fait que c'est bien important de comprendre que la vibration est toujours présente, mais que si elle n'est pas pensée pour une action, elle va tomber dans un jeu de réflexion. Puis là, vous allez littéralement vous miner à essayer de trouver des solutions. Alors que la solution, c'est souvent, très, très, très souvent, avec la pulsion électrique que vous avez dans le cadran. Pensez pas, là. Agissez! Puis quand la vibration descend, laissez faire les forces, ils vont vous envoyer la bonne pensée. Puis la bonne pensée est en dehors de la réflexion. La réflexion, là, « Ah, oh, m'as-tu acheté ça? M'as-tu vendu ça? » Laisse faire, passe ton annonce, tu le verras. Parce que, écoute, ça se fait parce qu'ils veulent que tu le fasses. Puis ça se fait pas quand ils veulent pas que tu le fasses. Fait que tu fais l'annonce, tu présentes ton mouvement, tu présentes ton intention, puis la réalité, elle va aller avec la mise en vibration. Pas compliqué. Vous êtes aussi réel que vous êtes électrique. Vous n'êtes pas électrique, il n'y a rien qui va se réaliser. Puis là, je vous mets en garde. Vous pouvez être bien électrique, puis être avec un environnement de pâteux. Des pâteux, là, des questionneux, là, des évaluateurs de l'avenir, OK? Ils vont vous bloquer. C'est de la réflexion, mais à l'extérieur. Se rendre avec un environnement de réfléchisseux, je ne sais pas si ça se dit de même, puis vous allez être pris, si vous avez un contrat karmique avec eux autres, de quelque façon que ce soit, vous allez être pris à vous faire ralentir. Ils vont vous limiter. Parce que vous n'êtes plus capable de vous dégager de leur manque d'électricité. Ils vous la pompent toutes. Ils sont en action avec vous autres, strictement pour vous pomper le sang. Fait qu'il y en a du monde dans votre vie, là. Ça peut être des enfants, ça peut être des parents, ça peut être des gens qui sont simplement négatifs devant ce que vous voulez faire. Il y a des gens qui m'ont dit, moi je parle pas de mes affaires au monde, ils m'empêchent de les faire. Ils m'empêchent en me disant tout le temps que ça marchera pas. Tout le temps. Je peux pas lui dire que je vais faire quelque chose, ça marchera pas. Ils sont jaloux. Fait qu'eux autres réfléchissent négativement, puis quand il y en a un trop de négatif, ils vont verser ça sur le voisin. Ils s'en vont mettre ça, là, tu sais, ah, ben, pourquoi tu fais ça, ça coûte cher, puis blablabla. Chris, c'est pas toi qui paye, ferme ta gueule. Mais non, toi, t'es mis en vibration, puis l'autre, lui, il cherche à te mettre des murs. T'sais. Fait que faites attention à ça, vous pouvez être limité par un environnement qui est excessivement négatif, qui est malade, Et, ah, je t'encourage. Mais oui, si t'es Saint-Grabeau, le t'es en train de crever. C'est pas les idées qui vous supportent dans la vie. C'est le champ d'énergie de la personne. Travaille aux urgences, là, la Madeleine nationale. C'est pas un, comment qu'ils appellent ça, un défibrillateur qu'ils ont besoin. C'est d'une femme de même qui lui met la main sur la tête, lève-toi et marche. Tu sais. Donc, vibrer, c'est électrique. Puis la réalisation, ça passe par le courant électrique. Vous voulez allumer une lumière. Pensez-vous que la lumière, c'est une pensée? Non. C'est de l'électricité qui se rend jusqu'au petit bulbe, là, qui est de la résistance, puis qui fait que ça allume. J'ai vécu une limite. Tu sais, une limite. Vous pouvez avoir des limites qui sont des ressources financières que vous avez pas. Ça peut être des gens qui vous supportent pas. Tu sais, ça peut être n'importe quoi qui vous crée une limite qu'il faut que vous mettiez de l'électricité. Fait que si t'es pris par une réflexion, t'es limité. Puis t'es limité par la réflexion des autres. OK. Tu sais, quand quelqu'un va dire, qu'est-ce que tu vas faire? Hey, ça t'aide. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Fait que la dynamique de la réflexion venant des autres ou venant de vous-même, c'est excessivement dangereux pour limiter la portée de la vibration. Vous suivez? C'est sûr que je pourrais aller chercher en Chine, mais là, ça coûte cher le billet d'avion. Ce qui fait que la forme s'oppose à l'abstrait. Quand vous avez une pensée, la forme s'oppose à l'abstrait. T'as une lumière dans les mains qui est brûlée, que là, tu voudrais quasiment réanimer. Et puis, la forme s'oppose à l'abstrait, c'est-à-dire que la vibration, c'est abstrait. La pensée, c'est abstrait. L'intention, c'est abstrait. Puis la forme, elle, c'est comme si ça dort au gaz, une forme. Ça bouge pas, une forme. Tu sais, tu frappes un arbre en auto, ça bouge pas un arbre. Puis tu le sais quand tu le frappes. La forme s'oppose à un mouvement tout le temps. Donc, si vous avez une vision, vous avez une lecture des événements qui est toujours basée sur la forme, avez-vous déjà pensé à quel point vous êtes opposé dans la vie? C'est hallucinant, là. Un magnétophone, je tiens un magnétophone dans mes mains. Avant, là, il me fallait un kit de fil, d'enregistreuse, de ci, de ça. C'était lourd. Lourd à transporter, c'était du filage qu'il fallait toujours que je fasse de la corde à danser. Aujourd'hui, tu as ça digital, ça, puis même, je pourrais prendre mon iPhone, puis arriver au même résultat, excepté que je ne sais pas comment transférer mes fichiers. Mais il reste quand même que plus la forme devient fluide, moins il y a d'opposition à traiter avec l'abstrait. Ou, moi, je peux prendre avec l'iPhone, ça je sais comment, là, prendre un enregistrement, blablabla, blablabla, pendant 10 minutes, puis me l'envoyer par email. On ne pouvait pas faire ça il y a 3 ans. Tu t'envoies un fichier de son par email, pas des faces. Fait que plus la forme se raffine, plus l'homme donne à la forme ce que ça doit faire, c'est-à-dire une zone de support, bien, plus vous êtes capable de traiter l'abstrait, parce que ça devient l'abstrait, donc le concept qui mène le show. C'est pas la forme qui mène le show sur le concept. Vous savez? La forme crée une opposition et puis ça force les gens dans l'abstraction à contourner le manque de fluidité de la forme. C'était pas fluide d'avoir un magnéto qui pesait quasiment 8 livres avec du filage puis des micros à 200-300 piastres. Aujourd'hui, avec un digital, tu peux faire presque tout ce que tu veux. Même lui, il est plus gros que la moyenne, c'est dans les premiers. Fait que les formes sont lourdes et puis plus l'individu est capable de mettre l'abstrait en priorité, donc la vibration, donc une calibration de la pensée, plus il finit par avoir le contrôle de la forme. Pas le contrôle dans le sens que l'ego contrôle, mais dans le sens que, tu sais, un jour on va se dématérialiser, mais il reste quand même que ça va se faire. Puis un jour que ça va se faire, c'est que l'être va avoir réussi à créer assez d'abstraction dans son atomisation, si on peut dire, son atome, pour être capable de passer à travers n'importe quelle forme, puis modifier la structure cellulaire de la forme pour la rendre justement assez fluide pour pouvoir lui donner une orientation, une direction, un sens, un mouvement, peu importe. Et puis là, à ce moment-là, ben c'est l'abstrait qui va parfaitement, je dirais, englober la dynamique de la forme. La forme va simplement être une résultante de sa pensée. Mais dans le sens qu'on peut le comprendre, là, tu y penses puis ça se crée, là. OK? On n'est pas rendu là. Mais il faut quand même comprendre que il faut qu'on arrive à penser et à créer la forme. et non pas avoir des formes qui nous obligent à penser d'une certaine façon. Voyez-vous la nuance? Il faut que ça devienne ce que vous voulez. Pour moi, c'est réel, ça. Vibrer les choses, les projeter mentalement, puis attendre que ça descende dans la forme. Pour moi, ça, c'est ma réalité de tous les jours. Je vis là-dedans. Je vis dans ce monde-là. Mais je vous le dis, là, moi, je vis déjà dans ce monde-là. Je vis dans un monde de projection mentale, puis de choses que je veux qui arrivent, mais que je ne peux pas vouloir égoïquement, je suis obligé de les vibrer. Bien important de comprendre la nuance. Vibrer fortement, puis vouloir fortement, c'est deux affaires, c'est deux mondes complètement différents. La personne qui veut fermement, c'est une personne qui est dans un processus de pensée intellectuelle. Ça, là, je peux vous dire, ça ne fait pas pousser une carotte. OK? Mais une personne qui vibre cellulairement, là, son corps le vibre, là, OK? Ça y fait quelque chose physiquement. Puis il vibre. Puis la pensée, elle, s'ajuste à sa vibration. Ça fait pousser une carotte. Ça fait quelque chose. Bon, c'est peut-être un petit peu trop avancé là, dans votre logistique, là, mais vous allez finir par comprendre en vibrant les choses, puis en agissant sur ce que ça vibre. Ça fait tellement d'années que j'en parle, puis Bernard en a parlé avant moi. Vous allez tellement le vivre, ça, un jour. Cette affaire-là de vibrer, que vous allez finir par voir qu'il y a des événements dans votre vie qui se passent parce que vous vibrez. Tout simplement. Et tout simplement, c'est très complexe, mais c'est tout simplement. Et que la forme, tant que tu la vois comme une opposition normale, tu ne pourras jamais donner à l'abstrait sa réalité qui est de créer la forme. Tu sais, quand ils disent « le verbe s'est fait chair », ils parlaient tout le temps du verbe dans le sens de la parole. C'est réel aussi, parce que quand tu parles, tu vibres plus que quand tu penses. Donc, c'est mieux une pensée parlée, et c'est mieux, quand tu parles, de sentir ce que tu parles, que de parler des idées et d'avoir des idées. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, là. Une idée parlée, c'est juste un racontage de phrases qui sont bien organisées. Mais ça n'a pas de puissance. Mais si vous parlez une vibration sans savoir ce que vous avez à dire, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, c'est bien important de dire n'importe quoi. Parce que les gens qui disent n'importe quoi, ils en viennent à plus penser ce qu'ils disent. Hein? Puis quand ils ne pensent plus ce qu'ils disent, ils vibrent ce qu'ils disent. Fait que vous allez finir par comprendre ce que ça veut faire. C'est ce que ça peut faire de parler sans penser. Tu sais, tu parles, là, brrrr, puis à un moment donné, là, la rouille sort du robinet, puis là, c'est de l'eau claire qui passe. Puis là, tu finis par voir dans ta parole quelque chose qui est intelligent, plutôt que de chercher des mots pour dire les choses. Il pense l'abstrait comme une conséquence. Tandis que moi, l'abstrait, la vibration, c'est l'origine de tout. C'est de là que ça part. La forme atterrit en suivant la vibration. Pas l'inverse. Le monde est à l'envers. En tout cas, moi, je suis peut-être à l'envers des autres, mais je trouve que le monde est à l'envers. Fait que, on est dans une recherche de la réalité. Et la réalité, pour nous autres, c'est juste la forme. Qu'est-ce qui te fait acheter une maison? Qu'est-ce qui te fait acheter une auto? Qu'est-ce qui te fait acheter ce que tu consommes? C'est toujours quelque chose d'abstrait. C'est toujours quelque chose comme « je veux être bien ». Je veux être bien. Quand tu dors, là, tu es riche en maudit, parce que quand tu es bien, quand tu dors, tu as tout ce que tu as besoin, que quand tu es réveillé, ben là, il faut une Porsche, il faut une maison de 150 000. Ça, c'est ma maison. Puis, tu sais, il faut que tu aies du linge cher, il faut que tu aies une bague pour avoir de l'aide, il faut que tu cherches un job. C'est compliqué quand tu es réveillé, hein? Quand tu dors, s'il n'y a plus de problème. Merveilleux. Là, tu es dans le monde de l'abstrait pur, il n'y a plus de forme. Ton corps bouge plus, ou s'il bouge, pour te péter. Fait que la dynamique de la forme est bien plus compliquée que la dynamique de l'abstrait. Puis on voudrait que ça mène l'abstrait, ça marche pas. C'est à l'envers. C'est l'abstrait, c'est la vibration qui mène la forme. Point à la ligne. Puis tant que dans votre tête, ça va créer un conflit, ça, de renverser de la vibration vers la forme, plutôt que de voir la forme vouloir diriger la chose, bien, vous allez être inconscient. Hein? Vous êtes conscient? Et là, on vient de donner le truc. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour vous le dire. C'est pas des farces, hein? Donc, la dynamique de la forme, c'est une dynamique qui s'oppose à la vibration. Il faut que vous renversiez ça. Il faut que la vibration dirige la forme. Question. À quelle place que tu situes le timing dans ce processus? Ouais, le temps, c'est vrai que c'est important. Bon, quand je disais tout à l'heure, tu es mis en vibration, donc ça passe par un flash. La première portée de la vibration, c'est dans le rêve. Tu vas rêver quelque chose. Tu vas le... Si tu ne le rêves pas parce que tu es assez conscient, justement, tu vas le visionner. Un gars comme moi ne rêve pas sa vie, il visionne. Parce que pour moi, le rêve, c'est pas un hasard. Pour les gens qui sont dans l'ego, qui est bien réfléchissant, là, un ego très réflectif, c'est du rêve. Fait qu'il va dire, ah, moi, j'ai réalisé un rêve. Tandis que un gars comme moi qui a passé par l'astrologie pendant des années, je vais dire, ah, j'exécute mon destin. Je réalise mon destin. Mon destin, je le visionne. Je le vois apparaître ou je le vois s'en venir. Tu sais, dans le sens, apparaître, ça, c'est actuel, là, c'est temps présent. Puis si je le vois venir, ben c'est parce que je suis capable de voir que selon la dynamique des circonstances, tel type d'événement est appointé pour que je réalise certaines choses dans la matière. OK? C'est deux perceptions différentes, mais disons que cette bobine-là, cette tape-là, il est pensé pour l'ego. Mais si je le penserais pour quelqu'un qui est conscient, je dirais pas un rêve qui précède l'intention. Je dirais une vision qui organise dans le temps la réalité qui doit apparaître. C'est comme ça que je le parlerais. Là. Mais c'est évident que tout le monde n'étant pas conscient, il faut penser que l'idée de l'ego est qu'il contrôle quelque chose. Tandis que pour un individu conscient, il sait qu'il contrôle rien. Il est simplement, comme je le disais, appointé à certains événements parce que dans son développement ou son évolution, il est rendu à passer tel ou tel test. Et conséquemment, dans les tests en question, aller de plus en plus loin dans le monde de l'abstraction pour justement arriver à travailler sur la forme et non pas la forme qui travaille sur sa vibration. Tu sais, c'est comme le monde du rêve que les gens appellent dormir puis rêver. Le monde du rêve devient un nouveau terrain d'exploration, un nouveau laboratoire pour travailler justement les fameuses mises en vibration qui vont permettre à l'individu éveillé, c'est-à-dire éveillé là, tu sais, qui a tous ses sens qui sont en fonction, de travailler sur la forme et non pas laisser la forme l'envahir au point de contrôler sa vie. Le temps, il est très, très, très perceptible dans la forme, mais il est imperceptible dans la vibration. C'est comme je te dirais, les forces, ils ne vivent pas dans le temps, c'est l'âme qui vit dans le temps. Les forces, eux autres, au moment du flash, quand tu as le flash, tu es mis en vibration, l'événement est en train de s'enclencher. Ils te font vibrer les choses que tu es en train d'agir. Mais pour l'ego qui vit du temps, il dit, ah, c'est une opportunité, c'est une probabilité, c'est quelque chose qui s'en vient, on va surveiller ça. Avec les forces, t'as rien à surveiller, c'est eux autres qui te surveillent. Fait qu'ils t'ont envoyé la vibration, si t'envoies la vibration, c'est parce que là, c'est le temps. Le temps, c'est la vibration. C'est le timing que t'appelles. Mais la réflexion peut faire prendre beaucoup de temps. L'événement, ça va se produire, mais tu vas être comme bizarrement pris par surprise 3 ans d'avance. Tu vas savoir 3 ans d'avance qu'il y a quelque chose qui va pas bien, puis là, quand ça va arriver, tu vas être pris par surprise. Regarde la crise économique, la crise économique qu'on vit, là. Écoute, on s'entend qu'il n'y a pas de surprise là-dedans, là. Les délits financiers qu'on a vécu, là, dernièrement, Earl Jones, Madoff, puis tout le kit, ils n'ont pas bâti ça là, en dedans d'une semaine. Là. C'est des années et des années. Il y a eu, je suis certain qu'il y a eu des signes avertisseurs. Tous les investisseurs qui étaient là-dedans, ils ont été avertis. Mais ils n'étaient pas capables d'écouter la vibration. Ils étaient bien trop dans la peau du gain. Tu sais, on parle des gars qui sont des bandits, mais on parle pas des victimes avec le délinquance psychologique. Là. Le déviation, c'est ça, exactement. En tout cas, tout ça que je veux dire, c'est que le temps, il est aussi long que ça pense. Moins tu penses, moins c'est long. En d'autres termes, pour le dire plus d'une autre façon, d'une façon plus consciente, plus tu vibres, plus c'est rapide. Moi, j'étais un gars qui aime la vitesse. Fait que j'ai découvert dans la vie que vibrer, ça allait plus vite que penser. Dans les résultats, j'entends. Si tu vibres les choses, ça se produit plus vite. Là, je suis en train de tester cette année, là, parler avec quelqu'un qui a un gros gabarit, qui a vécu des grosses impressions, je parle de Claire. Je suis en train de tester à parler tous les jours, là, tu sais, une heure, deux heures par jour, là, régulier, non-stop, là. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Bien, tous les gros projets que je voulais faire sont en train de se mettre en marche. Fait que quand t'es pas pogné du monde, qui sont pris dans la forme, puis que ça vibre plus que ça pense, parce qu'elle m'a dit, elle passe pas à travers l'université, là. C'est de la pensée, c'est de l'intellect, c'est de l'idéologie, pis ces choses-là. Non, elle vibre dans la vie. Bon, ben ça, c'est du monde là-même, j'ai besoin. Tu te plaques cette grosse batterie-là, puis elle se plaque sa mienne, toutes ces affaires d'école. Mais faut que tu sois du monde qui vibre. Pas du monde qui pense, du monde qui vibre. Du monde qui vibre, ça avance. Du monde qui pense, ça étudie, ça évalue, ça doute. C'est long. Tandis que quand ça vibre, c'est rapide. C'est intense. Ça va aussi loin que tu vibres. Fait que dormir, ça devient important. Se reposer, ça devient important. Parce qu'il faut refroidir ça, ce moteur-là. Il faut un radiateur. C'est quoi le radiateur d'un être vibrant? C'est le sommeil. C'est des belles ambiances, c'est des espaces où il n'y a pas de choc au niveau psychologique, au niveau émotionnel, il n'y a pas d'excessive violence. Moi, j'essaie de vous faire voir que la réalité, c'est une conséquence. Puis que la réalité est une conséquence d'une vibration. Puis qu'une vibration, ça a autant d'autorité que c'est intense. Votre vie, elle va sortir de la platitude si vous êtes intense. Intense dans ce que vous voulez vivre, qui est une vision de votre propre karma. Parce que ce que vous voulez vivre, qui est obsessionnel, ou qui est, tu sais, on se dit tout le temps, moi, là, si j'étais comme ça, ou si je ferais ça, j'aurais moyen, ta-ta-ta-ta. Tes un moyen, c'est de vibrer. Le cash, les événements, le ci, le ça, ça va se placer. Y a rien là. C'est quoi le succès? Le succès, c'est d'être capable de vibrer. Regarde, Bernard, comment qu'il vibrait. Il peut te guérir. En vibrant. L'origine de ta maladie, là, c'est ça ta maladie. C'est l'origine. Puis là, vibre des pensées ou vibre de renverser ça. C'est pas évident, là, tu sais. Vibrer de renverser ça. Vibrer que la forme suit ton mental et non pas toi, tu te soumets à la forme. Puis je dis, ça devrait marcher. Parce que là, je peux pas dire « ça va marcher », parce que je l'ai pas eu, le cancer. Ou si je l'ai eu, je m'en suis pas rendu compte, je me suis guéri tout seul. Peut-être j'ai déjà eu le cancer, ça se peut. Mais c'est pour... moi, le piège que tu vois que je trouve un petit peu, là, c'est au niveau de... pas sans tomber dans la pensée ou dans la réflexion ou dans l'image mentale, de juste comme rester avec l'énergie. Puis là, ben, c'est ça que de plus en plus, c'est de grandir l'énergie que je me force de faire. Là, soit je vais beaucoup mieux. La colère. Depuis la... Pardon? La colère. La colère. Faut beaucoup de colère. Ce qui grande de l'énergie pure, là, c'est de la colère. Moi, je me choque au moins une fois par jour. Ouais, mais tu te choques après ton corps? Je veux dire, t'engueules ton corps? Non. Ça, c'est des idées, ça. Des idées. Okay. C'est... Non, mais ça, c'est... pour dire, tu sais, comme tu vas m'écouter ou blablabla. Non, ça, c'est des idées. Ça, c'est des idées. Ça, c'est de la visualisation, puis c'est des idées. C'est pas de la vibration, ça, là. La vibration, ça, tu peux même pas l'expliquer, une vibration. Je suis pas capable de mettre de mots là-dessus. Là. Faut le vibrer, là, tu sais. Mais tu sais, vibrer, Chris, si tu comprends pas ce que je veux dire, il y a rien à faire, continue à penser, t'as pas le choix. Parce que c'est vraiment pas une affaire de... c'est pas une affaire d'idée. C'est quoi la différence entre la colère et ou la conviction? Parce que la conviction, ça a l'air d'être... Il y a quelque chose d'émotionnellement pogné. Ouais, il y a comme une émotion pognée. C'est comme dans la conviction, c'est que t'es pas capable d'avoir un regard sur l'extérieur. Il y a quelque chose de fermé. Il y a beaucoup de fermeture dans la conviction. C'est pas ouvert. Moi, quand je vibre, je suis pas fermé. Je suis pas dans une transe. Tu sais, un gars qui est comme en transe, là, un gars convaincu, c'est un gars de transe. Il est en transe. Parce que on dirait qu'il répète un mantra. Mais quelqu'un qui est en colère, il n'est pas en colère. Pas la rage, c'est la colère. La colère, c'est un état. Une colère, comme moi je le parle, c'est une vibration très forte qui doit passer par une charge négative. OK? C'est comme, tu peux pas travailler juste avec des énergies positives. Tu travailles à un moment donné avec des énergies négatives. Un doit balancer l'autre. Puis, quand tu souffles, là, tu penses-tu? Ça fait mal. Tu penses à rien. Mais t'es obligé de prendre la souffrance. Puis t'es obligé de pas te laisser imposer de la souffrance. Mais Christ, quand ça fait mal, là. OK? Puis tu peux pas nier la souffrance. Elle est là, elle est présente. C'est pas une pensée, là. C'est un état. Bon, bien, il faut que tu aies un état qui neutralise un état. Ça se comprend-tu? Ça, tu peux pas être convaincu là-dedans. Essaye d'être convaincu, toi, dans un problème de souffrance. C'est difficile, là, parce qu'on travaille avec des perceptions. On travaille pas avec des explications. Parce que là, tu sais, c'est une conférence. On est obligé de parler, c'est des idées. Mais en réalité, je comprends maintenant qu'il garochait des affaires à terre ou qu'il pitchait des affaires dans l'air ou parce qu'il pouvait pas le parler, puis il fallait juste le vivre. Fait que, je sais pas, en jetant au Queen Elizabeth, en jetant le podium à terre, les gens, ils vivent de quoi? Ils peuvent pas penser. C'est un événement. Quelque chose qu'on pourrait faire, c'était pas un exercice, là, parce que là, c'est tombé dans l'effort, puis dans la volonté. C'est tout les idées. Mais, toujours les idées. C'est tout le problème, c'est les idées. Okay. Le problème, c'est les livres de recettes. Pour guérir. Quand je travaille sur mes pieds ou sur mon corps, c'est pas avec des idées. J'ai pas d'idées. J'ai pas de recettes. J'ai pas de médicaments. J'ai pas rien qui a été pensé. J'ai juste de l'énergie qui circule dans mon corps, puis que je sens bloqué ou pas bloqué. Alors, tu peux quand même te donner la contenance de quelque chose. Quand tu penses avec des idées, t'es un gars à être malade. T'es tellement bourré d'idées. C'est hallucinant. Tu penses comme un médecin, tu devrais faire des études en médecine. Tu n'aurais pas. Ben, vous avez des mentalités compliquées. Vous n'êtes pas capable, vous autres, de vivre pour vous autres à partir de rien dans votre tête. Vous n'êtes pas capable. Il vous faut tout quelque chose pour vous éviter le coco. Il faut tout vous penser à quelque chose. Tout qu'il y a un problème à régler. Moi, je ne cours pas après le problème. C'est les problèmes qui courent après moi. Moi, je fais juste les régler. C'est vrai, il y a des vibrations qui ne sont pas agréables. Il y en a, mais il y en a d'autres qui sont très agréables. Je me souviens, dans le temps, je jouais à la bourse. Quand je gagnais, là, je me sentais soulevé. Je dormais, puis je savais que je gagnais juste parce que je vivais un état d'être comme soulevé. Puis, parce que ça roulait de nuit, ça, cette affaire-là. Tu sais, ça roulait 24 heures sur 24. Puis quand je perdais, là, je suais dans mon lit, là, puis je me levais, j'étais déprimé. Là, j'avais même pas besoin d'ouvrir le computer, je savais que j'avais perdu. Fait que tu peux vibrer négatif, tu peux vibrer positif, mais une vibration, c'est vrai que ça a une coloration dans l'ego, mais une vibration en soi, c'est tout un test. C'est toujours quelque chose qui sert à quelque chose. La beauté de la vibration, c'est que c'est jamais futile. C'est toujours quelque chose qui a un sens, qui s'en va quelque part, tout le temps. Moi, mon plaisir de vie est dans lire. J'ai beaucoup de plaisir à lire. Pourquoi les choses arrivent, n'importe quoi. Mais ça devient des rapports. Ce que vous autres appelez la télépathie, là, c'est des connexions d'esprit à esprit, c'est des connexions, c'est les plans. C'est le monde des plans, hein, c'est le monde qui crée la matière. Ce que vous vivez dans une journée, c'est préparé dans la nuit, ça, là. Quand le plat est au four, là, il n'est pas mangeable, mais quand il va sortir du four, il va avoir été au four. Fait que votre vie là, que vous consommez tous les jours, c'est une vie qui est préparée pendant la nuit, c'est plein. Fait que votre vie, c'est plein, plein important, entre guillemets, que votre vie matérielle, malgré que la vie matérielle, c'est la zone de réalité. C'est pour ça que je vous parlais que la forme s'oppose à l'abstrait. Et vous perdez toute conscience de ce que vous vivez sur les plans. Mais il reste quand même que ce que vous vivez sur les plans, c'est la dynamique de votre journée, puis de votre semaine, puis de tout ce que vous pouvez imaginer. Tu sais, les affaires que vous voulez qui se passent dans votre vie, qui se passent pas, il y a une raison à ça. Étudiez les oppositions que vous avez, vous allez voir que C'est vous autres l'opposition principale, hein? C'est pas les autres. Les autres font partie de la, font partie du scénario, mais fondamentalement, l'opposition que vous avez dans la vie, c'est vous autres qui a généré. Là, c'est sûr. Écoute, Bernard, ça l'intéressait pas nécessairement de comprendre les événements. Il aimait ça que j'y en parle, mais il vivait pas sa vie, lui, en fonction de comprendre les événements. Il vibrait, il agissait, ça s'arrêtait là. Lui, il aurait aimé ça faire de l'ordinateur sans que j'y monte. Là. Il aurait aimé ça de se servir de sa caméra sans avoir à l'apprendre. Tu comprends, tu veux dire? Il était obligé de passer par là parce que l'ego l'exigeait. Là. T'sais. Mais je pense pas qu'un individu qui est conscient a le goût de s'arrêter à la pensée et à l'idée.